Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une fake news. Encore une. Mais le phénomène est prégnant dans nos sociétés modernes, bien qu'il ne date pas d'hier. La preuve, en août 1990, l'Irak attaque son voisin le Koweït. Toute la communauté internationale réagit et une coalition s'organise. Il faut répondre à cette agression et stopper Saddam Hussein. Très vite, des sanctions économiques sont prises et un embargo est décidé. Chef de file de cette coalition, les États-Unis convainquent leur allié saoudien d'accueillir des milliers de soldats américains sur son sol. C'est le début de l'opération Bouclier du désert. Mais l'opinion publique américaine est partagée sur une possible intervention militaire. L'émir de Koweït et la Maison-Blanche vont alors avoir recours à une grande agence de communication. L'objectif, émouvoir l'opinion publique et faire passer Saddam Hussein pour un monstre, un nouvel Hitler qu'il faut absolument stopper. Pour parvenir à leur fin, le Koweït et les États-Unis vont fabriquer le fake news qui va faire basculer l'opinion publique. Une histoire de bébé prématuré lâchement assassiné par les soldats irakiens. C'est l'affaire des couveuses du Koweït. Notre invité aujourd'hui est Jean-Pierre Canet, journaliste et réalisateur de la série documentaire intitulée « Irak, destruction d'une nation ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonsoir. La guerre au Proche-Orient. En moins de 6 heures, l'armée irakienne a envahi ce matin le Koweït. Ce petit pays très riche a été anéanti sans pouvoir opposer la moindre résistance. La guerre avec une offensive éclair conduite aux premières heures du jour et qui marque un tournant tragique dans le conflit qui opposait depuis plusieurs semaines les deux pays. Jeudi 2 août 1990, au milieu des vacances d'été, c'est la guerre. Une guerre éclair, inattendue et achevée en 4 heures par l'Irak. D'ailleurs, parlons plutôt d'invasion, tant la petite armée du Koweït, 10 000 hommes et une seule division aérienne, ne pouvait faire le poids face aux 200 000 hommes et 2 000 chars de Saddam Hussein. Ce 2 août, à 1h du matin, 14 divisions d'infanterie, une blindée et des bâtiments amphibies quadrillent Koweït. La capitale est prise, tous les points stratégiques tombent aux mains irakiens. Le palais de l'émir Jaber est bombardé par 2 roquettes et ensuite pris d'assaut par les soldats irakiens. L'émir s'enfuit vers l'Arabie saoudite voisine à bord de sa Mercedes blindée. L'affaire est pliée. Au final, on évoque le chiffre de 200 morts. Très vite, l'Irak proclame la chute du gouvernement koweïtien. Les soldats irakiens se livrent à des pillages et des exactions. La population fuit le pays. Enfin, ceux qui peuvent. Cette invasion en plein été surprend tout le monde. En revanche, on connaissait Saddam Hussein. Portrait du dictateur sur France 2. Toute sa vie tend vers un seul but, être le bras armé du monde arabe. Le chemin pour y parvenir est semé d'assassinats, d'exécutions et d'horreurs. Saddam Hussein est né en 1937 à Takrit, à 150 km au nord de Bagdad, dans une famille de modestes paysans. Mais la légende, soigneusement entretenue, en fait un descendant de la famille Alaouite, l'une des plus nobles de l'histoire arabe. Noble peut-être, sanguinaire sûrement. Depuis 1968, il est le maître de fait de l'Irak, modernisant son pays, mais éliminant physiquement toute opposition. Bien sûr, il a participé au renversement de la monarchie irakienne en 1958, mais les régimes qu'il va installer lui ressemblent, puisque c'est en famille qu'il dirige. En 2 décennies, il place au poste clé du pouvoir ses oncles, cousins, beaux-frères, gendres. Un népotisme tranquille pour gouverner un peuple soumis. Autocrate qu'il est, c'est sa nature profonde. Saddam Hussein prend seul les décisions capitales, comme celle du 22 septembre 1980. Ce jour-là, il lance son offensive contre son voisin iranien avec 4 corps d'armée. L'Iran, son ennemi juré, mais aussi celui des Américains. Dirigé par l'ayatollah Khomeini depuis la révolution islamique de 79, le géant chiite est le régime qui, à tort ou à raison, fait peur à tout le monde dans la région. Israël, Arabie Saoudite, Koweït. Une obsession qui perdure au moment où l'on parle. Alors quand Saddam Hussein lui déclare la guerre, de nombreux pays lui viennent en aide. Les pays du Golfe lui prêtent des milliards de dollars. Les États-Unis lui fournissent armes et renseignements militaires. Les soviétiques et les français apportaient aussi leur aide en vendant un arsenal impressionnant. Saddam Hussein apparaît comme un rempart. Mais très souvent, les pays vendent et livrent des armes aux deux camps. Business is business. Après 8 ans de guerre d'un autre âge, où l'on sacrifie des milliers d'hommes en une journée, parfois, comme pendant la Première Guerre mondiale, les deux pays sont profondément meurtris. On estime entre 700 000 et 1 200 000 morts. Tout ça pour finir sur un statu quo perdant-perdant. La guerre s'achève en août 88. Au JT d'Antenne 2, on évoque la fin de ce conflit comme une info parmi d'autres. Bonsoir, il faut être prudent, mais l'été 88 restera peut-être dans l'histoire comme l'été de la détente. Déjà, il y avait des signes convergents depuis plusieurs semaines, mais ce lundi, dans la même journée, deux conflits qui duraient depuis des années sont sur le point de trouver une solution. En Angola, le cessez-le-feu semble acquis, on l'a appris tout à l'heure. Pour la guerre entre l'Iran et l'Irak, ce n'est plus qu'une question d'heure. Et puis enfin, image symbole de cette journée, les Soviétiques qui se retirent d'Afghanistan depuis un moment déjà, les Soviétiques ont commencé à quitter Kaboul, la capitale. L'Irak, comme l'Iran, est ruiné. Et il est temps de rembourser les dettes à l'Arabie Saoudite et au Koweït qui se font un plaisir de les réclamer. Pour Saddam Hussein, c'est de la provocation. Il estime que son pays a payé le prix du sang, la défense des pays arabes sunnites. Alors que le Koweït lui demande des milliards de dollars, non ça il ne le supporte pas. Et puis, il accuse son petit voisin, très riche, de lui voler du pétrole avec un forage à la frontière des deux pays. Il reproche aussi aux Koweïtiens de ne pas vouloir baisser leur production pour faire monter le cours du baril. Gros producteur, l'Irak pourra ainsi faire entrer encore plus d'argent dans sa caisse. Autant de raisons que se donne Saddam pour envahir le Koweït. Et puis, les Irakiens ont toujours considéré cette monarchie pétrolière comme la 19e province d'Irak. Mais revenons au 2 août 90. Le Koweït est tombé en quelques heures. Il se trouve que ce jour-là, le président américain George Bush, père, est à Aspen, dans le Colorado, pour une rencontre avec le premier ministre britannique Margaret Thatcher. La dame de fer, qui a déjà mené une guerre contre l'Argentine pour le contrôle des Malouines, lui lance alors « Allons, un peu de cran, George, vous devez réagir. » Elle, qui aime montrer ses muscles, saisit l'occasion et montre l'exemple devant les caméras de télé. C'est absolument inacceptable. Si nous laissions cette situation perdurer, de nombreux autres petits pays ne se sentiraient plus jamais en sécurité. En ce 2 août, le président américain passe sa journée au téléphone avec ses alliés pour prendre le pouls. Le chancelier allemand Helmut Kohl, le président français François Mitterrand et le roi Fahd d'Arabie Saoudite. De nombreux pays sont inquiets. Tout le monde semble unanime. Le dictateur irakien a dépassé les bornes. George Bush rappelle ensuite Margaret Thatcher et il lui dit « Je viens de parler au premier ministre turc. J'ai été frappé par sa virulence. Il a traité Saddam Hussein de nouvel Hitler, qui mérite une bonne leçon. » Margaret Thatcher répond « Je suis d'accord. C'est si grave que nous n'avons pas d'autre choix que de le chasser. » Les condamnations sont unanimes. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 660 demandant le retrait irakien du Koweït. Sur le plateau d'Antenne 2, le général français Georges Buy explique ce qui peut se passer après cette invasion. L'Occident, lui, il est un peu dans la même situation. Au moment de la guerre du Golfe, irano-irakienne, qui était quand même d'une autre importance, l'Occident n'a pas fait grand-chose. Il a escorté ses bateaux. Il n'est jamais intervenu pour une raison simple, c'est que on ne pouvait pas courir le risque d'un affrontement. On ne peut pas faire tuer un Marines américain par un soldat soviétique. C'est impensable. C'est l'escalade horizontale et puis verticale. Donc, on n'a rien fait. Ce n'est pas maintenant pour cette histoire qui est certes très importante. Il faut respecter la souveraineté des pays, aussi petits soient-ils. Même c'est ça l'honneur des nations. Mais je ne vois pas comment les grands pourraient intervenir autrement qu'économiquement. Ça veut dire que, d'après vous, il n'y a pas de risque de dérapage militaire ? À mon avis, il n'y en a pas, non. Très vite au Koweït, les réserves d'or, les voitures de luxe et tous les autres biens de valeur sont pillés, puis transportés en Irak. Tous les pays du monde regardent avec attention l'attitude de Saddam Hussein qui plonge de nouveau le Moyen-Orient dans le chaos et que, pour une raison étrange, la presse appelle Saddam par son petit nom, comme un ami. En tout cas, ami ou pas, ancien partenaire économique choyé notamment par la France ou pas, quand on sait que ces événements éclatent dans une région qui détient la moitié des réserves de pétrole, on s'inquiète, forcément. Mais le contexte a changé. La guerre froide se termine, le mur de Berlin est tombé. D'ailleurs, l'URSS, qui n'en a plus pour très longtemps, ne soutient plus Saddam Hussein. Du côté de l'Arabie Saoudite, l'inquiétude monte. Un jeune homme de 33 ans sollicite alors une audience auprès du roi Fahd. C'est le fils d'un milliardaire, un certain Oussama Ben Laden. Un intrigant qui ne vient pas les mains vides, non. Il a une proposition concrète pour défendre le pays contre Saddam Hussein. Former une armée composée des vétérans du djihad en Afghanistan. L'avantage, c'est qu'il ne sera plus besoin d'appeler l'armée américaine à la rescousse. Bien, le roi l'écoute, mais il préfère en appeler aux États-Unis. Ben Laden est outré. Mais enfin, comment le roi peut-il laisser des centaines de milliers d'infidèles, entendez, des non-musulmans, sur la terre sainte d'Arabie qui abrite la Mecque? Blasphème. De toute façon, Fahd a déjà accepté l'arrivée sur son sol des soldats américains. Il faut dire qu'ils ont tout fait pour le convaincre. 4 jours seulement après l'invasion, le secrétaire d'État à la Défense est en Arabie Saoudite pour assurer le roi du soutien de l'Amérique. C'est ensuite le général Schwarzkopf qui s'entretient avec le roi et ses conseillers. D'une manière théâtrale, le militaire américain s'agenouille devant le souverain wahhabite tout en lui montrant des photos satellites où l'on voit les chars de Saddam aux portes du royaume. Or, cette fameuse photo pourrait bien être un faux, fabriqué par les Américains. D'ailleurs, 30 ans après cet épisode, il n'y a aucune trace de ce cliché. Il est fort probable que les Américains ont réalisé un montage pour inquiéter encore plus les Saoudiens. Et ça fonctionne. Le roi Fahd prend peur et autorise les Américains à déployer les soldats sur son sol. Voilà, le ver est dans le fruit. Cette décision porte les germes de nouveaux périls. Les Américains les découvriront dans la douleur une journée de septembre 2001. Saddam Hussein réagit 2 semaines après l'invasion. Bonsoir. Le conflit irako-koweïtien marqué par de nouvelles menaces ce soir de Saddam Hussein. Le numéro 1 irakien affirme qu'il enverra des milliers d'Américains dans des cercueils en cas de confrontation entre les États-Unis et l'Irak. Tension très vive dans le Golfe aujourd'hui, alors que le dispositif américain se renforce. Les Irakiens auraient demandé aux Britanniques et aux Américains retenus au Koweït de se rassembler dans un hôtel de la capitale. Après avoir rassemblé des négociateurs américains et britanniques dans un hôtel, effectivement, à la fin du mois d'août, Saddam Hussein se met en scène à la télé avec les otages, son bouclier humain. En costume cravate, il apparaît tout sourire. Il serre des mains, dialogue avec les otages et caresse les cheveux des enfants. Scène de malaise. À la fin de cette opération de communication de guerre, le dictateur irakien propose de faire une photo avec les otages. Oui, ajoutant, gonflé. Si je n'avais pas été si pressé, j'aurais aimé dîner avec vous. Du côté de l'émir de Koweït, il s'agit de mobiliser l'opinion publique sur le sort du pays dont tout le monde, allez, soyons honnêtes, se fiche un peu. C'est à peine si on sait le situer sur une carte, pour certains. Alors l'émir Jaber, qui gouverne le Koweït, engage une agence de communication qui va jouer sur la corde sensible du petit pays envahi par le grand méchant voisin. Une association est fondée, Citizens for Free Koweït. Dans le récit officiel, ce sont des citoyens qui se mobilisent pour dénoncer l'invasion de Saddam Hussein et les exactions de son armée. En écho, aux États-Unis, des comités sont créés dans les universités, des t-shirts et des stickers sont imprimés, distribués. En réalité, tout est organisé par l'agence de com payée une dizaine de millions de dollars par la famille royale. 1 million est consacré aux études d'opinion sur tous les continents. En voici le déroulement. On rassemble un panel et on lui soumet des discours. Sans surprise, plus il y a de charge émotionnelle, plus le message est entendu. On regroupe des gens dans une pièce et on leur demande « Si vous appreniez que Saddam Hussein était un tueur de bébés, est-ce que cela justifierait selon vous que l'Amérique parte en guerre pour libérer le Koweït ?» Voilà comment fonctionnent ces études d'opinion. L'agence, cette pieuvre, possède 80 bureaux à travers le monde. Elle est capable d'inonder les rédactions en Europe, en Asie, en Amérique. Les dirigeants de cette agence sont d'anciens chefs de cabinet de la Maison Blanche. Et ils ont encore des contacts privilégiés avec l'administration Bush, qui, de son côté, poursuit un but précis, diaboliser Saddam Hussein. Dans le même temps, tous les conseillers de la Maison-Blanche se mettent en ordre de bataille pour une guerre d'image. Il faut transformer l'ancien allié Saddam Hussein en dictateur sanguinaire incontrôlable. Il est désormais l'homme à battre, comparé à Hitler, on l'a dit, l'incarnation du mal. Maintenant, il faut convaincre le Congrès et tout le peuple américain d'entrer en guerre. Le 31 août, 80 000 soldats américains sont déployés sur le sol saoudien. C'est une opportunité à saisir. L'URSS est sur le point de s'effondrer. Les États-Unis peuvent s'installer dans cette région stratégique du Golfe avec les réserves de pétrole. De son côté, l'agence de communication Hewland Knowlton livre clé en main des reportages de témoins koweïtiens qui dénoncent les crimes des soldats irakiens. Et parmi tous ces récits, une histoire va émerger. Nous sommes le 5 septembre 1990. Dans les colonnes du quotidien anglais Daily Telegraph, les lecteurs découvrent une histoire horrible. Des bébés koweïtiens auraient été arrachés de leur couveuse par des soldats irakiens au moment de l'invasion. Le but, voler le matériel médical sophistiqué destiné aux prématurés. Et les bébés seraient morts sur leur sol froid de l'hôpital. Deux jours plus tard, cet horrible récit traverse l'Atlantique et trouve une place dans les colonnes du Los Angeles Times. Parmi les témoins, une adolescente de 15 ans. Elle s'appelle Nahira. Le 14 octobre 1991, elle dépose devant une commission du Congrès américain. Les sénateurs lui ont garanti l'anonymat. Son témoignage est bouleversant. Je travaillais bénévolement à l'hôpital Al-Adan. Avec 12 autres femmes. J'ai vu les soldats irakiens armés entrer dans l'hôpital. Ils ont sorti les bébés des couveuses. Ils ont pris les couveuses et laissé les bébés mourir sur le sol glacé. Devant sa télé, Sean, un père de famille américain, comme des dizaines de milliers d'autres, fulmine. Sans prendre à des bébés, non, ça va trop loin. Il est rouge de colère. Et tout ça pour voler des couveuses, mais c'est ignoble. Et les larmes de cette adolescente, insoutenables. Pacifiste de nature, il déclare, nous devons aller chercher Saddam Hussein. Devant leur télé ce soir-là, des millions d'Américains ont peut-être changé d'avis sur la guerre en voyant les larmes de la petite Nahira. With what? sensible sur France Inter. 28 novembre 1990, New York, Conseil de sécurité de l'ONU. Quand ils pénètrent dans la salle du Conseil, les membres sont surpris. Les murs ont été tapissés d'images montrant des victimes présumées koweïtiennes. Elles auraient été torturées par des soldats irakiens. La mise en scène est orchestrée par l'association Citizens for a Free Kuwait et donc, en somme, par l'agence de communication Hale & Knowlton. Puis vient le témoignage d'un homme présenté comme un chirurgien qui travaillait dans la maternité avec les fameuses couveuses. 120 nouveaux-nés ont été enterrés la deuxième semaine de l'invasion. J'ai moi-même enterré 14 nouveaux-nés qui avaient été retirés de leurs couveuses par les soldats. Deux jours plus tard, le 29 novembre 1990, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 678 qui autorise le recours à la force contre l'Irak. Saddam Hussein a désormais jusqu'au 15 janvier pour retirer son armée du Koweït. L'histoire des couveuses, elle, est reprise, matraquée, notamment par le président Bush qui la mentionne 8 fois dans ses discours. Dans un rapport publié le 19 décembre 1990, l'ONG Amnesty International évoque le chiffre saisissant de 312 bébés enlevés de leurs couveuses et donc 312 bébés morts. Une horreur. Au même moment, Andrew Woodley de l'ONG Middle East Watch fait part publiquement de ses doutes sur cette histoire. En y regardant de plus près, le chiffre de 312 bébés prématurés paraît improbable et pour une raison assez simple. Presque aucun hôpital au monde ne dispose d'autant de couveuses destinées aux bébés prématurés. Et quand c'est le cas, rare. C'est dans un pays riche, développé, forcément, et pas au Koweït. Le 10 janvier 1991, dans un discours télévisé, le président américain déplore l'échec des négociations avec Saddam Hussein. Voilà où nous en sommes. Après plus de 6 heures d'entretien mené par le secrétaire d'État, nous n'avons pas le moindre signe de l'intention des Irakiens de se retirer du Koweït. Rappelons-le, la date butoir fixée par les États-Unis et les Nations Unies à Saddam Hussein pour évacuer le Koweït est fixée au 15 janvier. Et nous sommes le 10. Si les diplomates du monde entier, et notamment des pays arabes, s'activent pour éviter une intervention armée, les États-Unis, eux, sont déterminés à frapper. Le 12 janvier, jour de vote pour le Congrès américain. Un vote décisif pour l'entrée en guerre du pays, encore marqué par celle du Vietnam. La Chambre des représentants vote largement pour, avec 250 voix contre 183. Au Sénat, en revanche, le débat est plus animé. John Kerry, sénateur démocrate et vétéran de la guerre du Vietnam, prévient « Je crains que notre cher pays ne soit pas encore prêt pour ce qu'il va voir et supporter si nous nous engageons dans cette guerre. Sommes-nous prêts ? » C'est une question importante pour beaucoup d'entre nous qui sommes issus de la génération Vietnam. Mais face au doute de John Kerry, pas moins de 7 sénateurs évoquent l'histoire des couveuses pour faire pencher la balance. L'un d'eux déclare « Le temps est venu de stopper les attaques de ce dictateur sans pitié, dont les soldats ont poignardé des femmes enceintes et ont arraché des bébés de leurs couveuses au Koweït. » Reçu. Le Sénat se prononce pour une intervention armée. 52 voix contre 47, le vote est serré, mais cette fois ça y est, les États-Unis partent en guerre, la fameuse logique de guerre, comme le disait François Mitterrand. Le 17 janvier 1991, c'est le début de l'opération Tempête du désert. Une intervention militaire qui regroupe 34 pays, dirigée par les États-Unis et mandatée par les Nations Unies, ce qui, peu ou prou, revient au même. Et on retrouve dans cette coalition l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, notamment, et la France. Les premières heures de cette attaque sont racontées au JT. Le silence de la nuit déchiré par un énorme vrombissement. Le premier AWACS américain vient de décoller de la base aérienne militaire de Riyad. Il est 22h50, heure française. L'opération Tempête du désert débute. La guerre contre l'Irak est déclenchée. Surprise, sur le terrain des opérations, la riposte irakienne est quasi inexistante. D'après le Pentagone, l'aviation est clouée au sol. Selon différentes sources au sein de la force internationale, les Irakiens auraient tiré 4 missiles Scud contre Riyad. Un seul aurait atteint la périphérie de la ville. À 5h du matin, Bagdad sort de son silence. Dans un message radio, Saddam Hussein annonce que le peuple irakien vaincra les mécréants. Les journalistes du monde entier sont rassemblés à Dharan, en Arabie Saoudite. Échaudés par l'expérience et les trucages de Timișoara pendant la révolution roumaine, en novembre 89, ils seront bien déterminés cette fois à couvrir cette guerre au plus près du terrain, sans se faire balader. Mais les Américains ont tout prévu pour contrôler absolument toutes les images de cette guerre qui se veut propre. Il restera l'accès des reporters au terrain de guerre et on emmène quelques-uns avec eux pour mieux les contrôler. Ce sont les embedded, les embarqués. Les autres doivent se contenter d'interventions dans leurs médias respectifs à Dharan, loin du théâtre des opérations. On se souvient des reporters, notamment ceux de la 5, qui toute la journée prenaient le micro pour dire sans l'avouer « je n'ai rien à dire, pas d'infos ». Dans les premiers jours de l'opération, Tempête du désert est avant tout une vaste campagne de bombardement. Un chiffre, pour en illustrer l'ampleur. 88 000 tonnes de bombes seront larguées sur l'Irak en 43 jours, autant dit-on que l'Allemagne nazie en a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, toutes les télés du monde diffusent des images transmises par l'armée américaine. On parle alors de frappe chirurgicale. C'est qu'il faut donner l'impression aux opinions publiques d'une guerre sans victimes, une guerre propre, un peu comme dans un jeu vidéo où tout est virtuel. Illusion relayée par les télés occidentales, ravie de pouvoir faire vivre une guerre en direct, place au spectacle. Très vite, l'Irak est à terre. Toutes les installations stratégiques sont détruites. Le 22 février, George Bush lance un ultimatum à Saddam Hussein. Il réclame une reddition totale. La France suit son allié américain. Roland Dubas, ministre des Affaires étrangères, le fait savoir. En parfaite identité de vue que les décisions sont prises et que notamment la déclaration qui vient d'être faite par le président des États-Unis d'Amérique a été arrêtée. Donc, ayant participé à l'élaboration de cette décision, vous comprendrez que je ne puisse que l'approuver. Saddam Hussein refuse de se retirer du Koweït. Et c'est le début des opérations terrestres. La coalition met les Irakiens en déroute en quelques jours. Pourtant, que n'a-t-on pas dit sur cette armée de Saddam Hussein, supposée quatrième armée du monde ? En réalité, il s'agit de jeunes appelés affamés, fatigués, mal armés, peu expérimentés et prêts à se rendre. Saddam Hussein ordonne à ses troupes de mettre le feu à 732 puits de pétrole pour aveugler l'aviation américaine et détruire les ressources du Koweït. C'est ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Il faudra presque 10 mois pour éteindre tous ces incendies. Un vrai désastre écologique. Les 26 et 27 février, en déroute, les soldats irakiens sont bombardés par la coalition sur une voie qui sera baptisée l'autoroute de la mort. Un acte de guerre qui aurait entraîné la disparition de milliers de civils. Le 28 février 91, la guerre est terminée. La coalition a perdu près de 4500 soldats, dont 4200 Koweïtiens. Le nombre de victimes irakiennes est beaucoup plus élevé, mais plus dur à estimer également, 50 000, 100 000, 300 000. Une chose est certaine, l'Irak a payé un lourd tribut. George Bush se félicite de cette guerre éclair et lance un message au peuple irakien. Le Koweït est libéré. L'armée irakienne est défaite. Il y a 7 mois, l'Amérique et le monde avaient tracé une ligne dans le sable en déclarant que l'agression contre le Koweït ne serait pas tolérée. Et ce soir, l'Amérique et le monde ont tenu leur parole. Aucun pays ne peut proclamer cette victoire comme la sienne. Car ce n'est pas seulement une victoire pour le Koweït, mais pour tous les partenaires de la coalition. C'est une victoire pour les Nations Unies, pour l'humanité, pour le règne de la loi et pour le bien. Vous, peuple d'Irak, vous n'êtes pas notre ennemi. Nous ne recherchons pas votre destruction. Nous avons traité vos prisonniers de guerre avec bienveillance. Cette guerre est maintenant derrière nous, devant nous. Il y a la tâche difficile d'assurer une paix potentiellement historique. Dès la fin de la guerre, les Américains poussent les Kurdes et les chiites à se rebeller contre Saddam Hussein, qui les réprime dans le sang. Les États-Unis laissent faire encore des dizaines de milliers de morts. Et ce n'est pas fini. S'ouvre une décennie noire pour le peuple irakien qui va subir un embargo et des sanctions économiques terribles. Pénurie, manque de médicaments, infrastructures détruites. Champ de ruines politiques également, sur lequel poussera la mauvaise herbe 15 ans plus tard, Daesh. En mars 91, George Bush est applaudi au Congrès. Cette guerre du Golfe est perçue comme un succès. Elle n'a pas coûté cher aux contribuables américains, et pour cause, les pays du Golfe ont payé. Ce jour-là, le président américain fait applaudir l'émir du Koweït. Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free. Après la guerre du Golfe, plus personne n'évoque les couveuses du Koweït. Après la libération du pays, des ONG, des journalistes prouvent que les couveuses avaient juste été cachées par les médecins et les infirmiers avant l'arrivée des soldats irakiens qui étaient repartis de l'hôpital sans faire de mal à personne. Quant à Naïra, l'adolescente qui avait livré un témoignage insoutenable, il s'agissait tout bonnement de la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. D'ailleurs, ce qui s'est passé près de 13 ans après le mensonge des couveuses est aussi du ressort du fake news. Les soi-disant armes de destruction massive sur lesquelles Colin Powell développe tout un exposé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Saddam Hussein possède déjà deux des trois composantes nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a des scientifiques nucléaires compétents et il a déjà les plans de cette bombe. La suite est connue, les États-Unis se lancent dans la guerre en Irak, car pour Bush, fils, il s'agit d'achever le travail de papa. Mettre la main sur Saddam Hussein, qu'on retrouvera terré comme un rat dans un trou. Mais cette fois, la France a refusé de se joindre à la coalition. Une fois encore, cette seconde guerre du Golfe aura été basée sur un mensonge des Américains, confirmant ainsi l'aphorisme de l'écrivain britannique Kipling. La première victime de la guerre, c'est la vérité. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je sais. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire des couveuses du Koweït dont nous allons parler avec notre invité Jean-Pierre Canet. Bonjour. Bonjour. Journaliste et réalisateur de la série documentaire Irak, destruction d'une nation. Vous savez, quand j'ai découvert le titre de votre documentaire, j'ai pensé à Yougoslavie, suicide d'une nation. Eh ben, ça me fait très plaisir parce que c'est exactement l'inspiration qu'on a essayé d'avoir. Brian Lapping, cette série en 6 épisodes qui raconte comment la Yougoslavie s'est disloquée. Je précise que, parce que c'est important, que sans le soutien de Tohu Bohu et Slug News, les deux coproducteurs de cette série, on n'aurait pas pu faire ça. Et évidemment, France Télé, donc je les remercie de nous avoir donné cette chance-là. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, les obstacles qu'il a fallu passer pour passer en revue cette page d'histoire extrêmement grave, hein, nourrie par du fake news? C'est une affaire vraiment grave, on y revient, mais les difficultés? Alors, juste déjà, pour resituer cette affaire dans la série qu'on a essayé de faire, nous on a essayé de montrer qu'en 40 ans, il y a eu un processus de destruction de la nation irakienne qui était quasi moderne, alors certes sous une dictature très dure, celle de Saddam Hussein, mais que ce processus de destruction s'est fait en plusieurs étapes. D'abord avec un Saddam Hussein qui était l'allié des États-Unis et des Européens, ensuite un Saddam Hussein qui est devenu l'ennemi, c'est l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, ensuite une excuse et même une victime pour des faits qu'il n'avait pas commis le 11 septembre, et puis ensuite eh bien, c'était le chaos qui a fabriqué Daesh. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer. L'affaire des couveuses, bien entendu que quand Saddam Hussein envahit le Koweït, il est totalement condamnable. Et il faut tout mettre en œuvre pour soit le faire partir, soit peut-être à un moment donné le contraindre par la force. Première chose, il n'y a pas eu vraiment d'efforts diplomatiques déployés ni par les États-Unis ni par l'Europe, qui à l'époque était vraiment à la botte des États-Unis, la France de François Mitterrand ou Margaret Thatcher, clairement. Il n'y a pas eu d'efforts diplomatiques dignes de ce nom. Il y a eu en fait une opportunité de la part des pays occidentaux de reprendre pied dans cette région en justifiant d'une action militaire et non seulement en retirant, en poussant Saddam Hussein à se retirer du Koweït, mais en plus à détruire cette puissance régionale montante, puisque là, à l'instant, Alain Bachung parlait de dynamiteur d'aqueduc. Ce que fait la coalition, c'est qu'elle a dynamité absolument toute l'infrastructure irakienne. C'est-à-dire non seulement on a fait sortir l'armée irakienne du Koweït, mais on a détruit l'Irak. Donc, c'est une entreprise de long terme qui s'est produite à cette occasion-là. Et les couveuses, pour moi, je ne sais pas si... peut-être qu'à chaque époque, on dira qu'on n'a pas de mémoire, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une période paradoxale où on a de la mémoire et en même temps, on a l'impression que l'immédiateté nous empêche d'avoir un peu de recul. Les couveuses... Et puis, 10 ans après, les mensonges que l'administration américaine de George Bush Jr. va utiliser pour l'arme de destruction massive, le fait que Saddam Hussein était soi-disant l'allié d'Al-Qaïda sur le 11 septembre, ce sont des matrices des fake news d'aujourd'hui, ce sont des matrices du complotisme d'aujourd'hui. Quand vous êtes un dictateur et que vous racontez n'importe quoi à votre population, bon, c'est assez logique, vous êtes une dictature. Ouais. Quand vous êtes une démocratie, qui plus est la démocratie qui est le phare depuis la Deuxième Guerre mondiale dans le monde occidental, à savoir les États-Unis, et que vous racontez n'importe quoi à votre population, vous rompez à terme la confiance. Vous fabriquez à long terme cette espèce de venin qui va faire que d'année en année, l'opinion publique va se dire « mais en fait là, ils sont en train de me raconter ça, mais c'est pas vrai ». Vous rompez la confiance. Rompre la confiance en démocratie, c'est ouvrir très les grave. Portes de la théorie du complot. Quand on rompt la confiance, on ouvre les portes de la théorie du complot. Mais c'est ça qui est grave et contre-productif. J'ajoute quand même, si vous me permettez, Timișoara, c'était un énorme fake news. Hein. Ces corps, on était allés chercher dans la mort qu'on avait mis dans des fosses pour faire croire que le régime, qu'il était d'ailleurs, de Ceausescu, était un régime ubuesque, c'est vrai, mais en l'occurrence, il était pour rien. Là encore, on a eu une révolution tout sauf de velours, et c'était la révolution qui sentait mauvais, finalement, par rapport aux autres révolutions dans les pays de l'Est. Voilà les dégâts du fake news. Les dégâts du fake news, c'est quand les journalistes ne travaillent pas, en fait. Encore faut-il le pouvoir. Absolument, mais par exemple, le New York Times en 2003, quand le New York Times soutient l'offensive américaine sans aucun recul, qu'on a des papiers qui vont cautionner, par exemple, que Saddam Hussein va se servir en uranium au Niger, alors que c'est absolument faux, que c'est pas très compliqué de le prouver d'ailleurs. À ce moment-là, ce grand journal, ce très grand journal qu'est le New York Times, va jouer le jeu d'une propagande sans prendre le temps de vérifier les faits. Ils l'ont reconnu, hein, et tout le monde est susceptible de faire ça. Vous parliez tout à l'heure de la guerre chirurgicale, de la guerre du Golfe en 1991, où d'un seul coup, on avait une guerre qui ne faisait plus de mort. On avait une guerre, c'était incroyable, cette guerre, elle tapait si bien sa cible qu'elle ne faisait aucun mort, aucun dégât. Cela dit, on n'y croyait pas à ça. Vous vous souvenez? On n'y croyait pas, mais... entre ne pas y croire et ne pas voir les corps, il y a quand même un petit doute qui s'installe. Ouais. Et donc, et d'ailleurs, c'est à l'époque où les premiers embedded, vous savez ce que c'est, les journalistes embarqués, aux auditeurs, c'est ça, les journalistes embarqués dans une armée. Il y a eu beaucoup de journalistes embedded à l'époque au sein de la coalition, bah, qui n'avaient pas forcément le recul pour avoir un regard critique. C'est fait pour ça d'ailleurs. C'est fait pour ça. Aujourd'hui, on a un cas sous nos yeux, l'Ukraine. Évidemment que il est hors de question de contester la brutalité et le caractère absolument incroyablement infondé de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais évidemment qu'il faut prendre le temps de vérifier chacun des faits, des possibles génocides, des possibles crimes de guerre qui sont sous nos yeux. Il faut avoir cette capacité, quand on est un grand média, à prendre le temps de vérifier. Voilà, c'est essentiel. Ça raconte aussi quelque chose sur la presse, clairement. Parce que, je le disais, pas toujours facile, mais vous vous dites qu'elle ne vérifie pas assez, qu'elle est finalement dans cette mouvance à son corps défendant du fake news. Non, je dis que, à l'époque, l'affaire des couveuses, ouais. On ne prend pas le temps. Vous voyez, dans la série, on prend un extrait du JT d'Antenne 2 à l'époque, mais ça aurait pu être ABC ou n'importe quelle autre chaîne. On a le sentiment que comme c'est une parole délivrée par une association qui est organisée et que c'est cautionné en plus par le Congrès américain, on se dit « Ok, c'est bon, c'est sérieux. C'est le Congrès américain qui cautionne une association qui a travaillé, ce sont des Koweïtiens. Il y a un grand méchant, c'est Saddam Hussein, donc on ne vérifie pas les faits. » Voilà, c'est simple. On n'a pas à vérifier les faits sur cette affaire. D'accord, c'est clair. Hélas, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Cat Power, Papa Power. We'll be right back. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. L'affaire des couveuses du Koweït, un épisode sordide et pervers de la première guerre du Golfe dont nous parlons avec vous, Jean-Pierre Canet. Je rappelle que vous êtes journaliste et réalisateur de la série documentaire Irak, destruction d'une nation. Et justement, cette série commence, le point de départ, ce sont les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Et vous parlez du premier terroriste à se donner la mort et vous dites que c'était un Irakien. Ouais. Pourquoi partir de là? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on s'interroge sur ce jeune Irakien qui vient se faire sauter aux abords du Stade de France. Il n'a pas de lien avec l'international djihadiste daéchienne naturellement, et en tout cas pas d'hostilité particulière avec la France a priori. Puis en fait, c'est un Irakien qui vient se faire sauter au Stade de France. Tiens, il fait partie de ce commando. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte probablement que tout le processus que nous essayons de décrire dans les quatre épisodes de la destruction progressive de l'Irak fabrique un monstre, en fait. Fabrique ce jeune Irakien, sunnite, qui va être suffisamment endoctriné pour accepter d'aller se faire sauter dans un attentat au nom de Daesh. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en prenant cet exemple-là, c'était de montrer qu'il y avait une explication à tout. En fait, c'est le contraire de ce que le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, avait dit. À l'époque, Manuel Valls avait dit que expliquer, c'était commencer à excuser un peu. En fait, non, c'est pas ça du tout. Expliquer, c'est comprendre. Mmh. C'est comprendre le processus. C'est pas justifié. Ça n'est pas justifié à aucunement, c'est justifié. Mmh. Le traité de Versailles a probablement aidé à fabriquer le nazisme. Eh bien, c'est un peu ce qu'on raconte là. Mmh. C'est-à-dire que la destruction de l'Irak, son retour, on dit à l'âge de pierre, évidemment c'est une formule, mais c'est ce qui s'est passé, la destruction de ses infrastructures, la destruction de son système scolaire, la destruction progressive sous l'embargo et ensuite avec une armée qui envahit le pays, ça a fabriqué les conditions de deux guerres civiles qui ont elles-mêmes fabriqué, à partir d'Al-Qaïda, la naissance de Daesh. On parle beaucoup de choc des civilisations en ce moment. Un choc des civilisations, ça se fabrique en fait. C'est le résultat de choix politiques. Les peuples n'ont pas envie de se battre naturellement, ça c'est ce que je pense moi. Donc si on veut reprendre Huntington, il faut peut-être avoir une lecture plus politique de l'affaire, c'est-à-dire que les choix que l'on fait, les choix politiques des dirigeants, les choix de l'administration Bush Junior, George W. Bush en 2003, ce sont des choix qui vont nous entraîner avec des conséquences dramatiques comme celle de Daesh, la destruction d'une société, la contamination de la Syrie aussi, puisque sans Daesh, le printemps arabe aurait peut-être tourné autrement. Il faut aussi avoir conscience de ça. Et je pense, à titre personnel, pour avoir bossé modestement sur ce sujet, plus on en apprend, moins on en sait, que nous allons encore payer les conséquences de tout ça pendant des années. Autre exemple, je pense que Vladimir Poutine aujourd'hui se sent assez libre de faire ce qu'il fait en Ukraine parce qu'il n'y a plus de règles en fait. Parce que vous pouvez envahir l'Irak en 2003 sans l'appui de l'ONU. Ouais. C'est ça qui s'est passé. En l'occurrence, on s'est bien comporté, nous, la France. Et je rappelle, dans le sillage de ce que vous dites, que le premier bastion de Daesh, c'était à Mossoul et c'était en Irak. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est... On a vraiment ça. On a un pays transformé en champ de ruines. Je disais tout à l'heure, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais sur laquelle pousse la mauvaise herbe. Non, mais c'est exactement ça. On est d'accord. Oui, absolument. Alors, quand même, une chose par rapport à l'acceptation de la guerre par les Américains. Donc, on est dans une démocratie, alors on a recours à des méthodes tordues de fake news, comme on vient de le voir. Parce qu'il y a quand même une opinion publique, hein, dans les dictatures, c'est plus simple, on ferme toutes les écoutilles. C'est ça. Bon. Donc on passe par... Mais il y a quand même eu le traumatisme de la guerre du Vietnam, ça n'a pas joué. Hein. Ah, mais ça... Malgré la demande de John Kerry, ça n'a pas joué. Alors, là où ça a joué, c'est que George Bush père jouait, pour le coup, l'honneur de l'Amérique. On dit que, je ne sais plus quelle est sa formule exacte, mais qu'en gros, le passé du Vietnam a été enterré définitivement dans les déserts d'Arabie. Je crois que c'est pas exactement cette formule, mais c'est presque ça. Il jouait quand même le revival, si j'ose dire, grâce à cet anglicisme parfait, de l'Amérique, parce que le Vietnam, c'était un échec total. En l'occurrence, la presse avait un accès direct aux événements. Il n'y avait aucun filtre. Il n'y avait pas de RP. L'armée américaine n'essaye pas de filtrer ce que disait la presse. Et là, il s'est passé rigoureusement le contraire. Donc, l'apprentissage de maîtriser la presse. Le général Glosson, qui a qui a conçu toute la campagne aérienne qu'on interview dans la série, nous dit vraiment le traitement médiatique a été parfait pendant la guerre du Golfe. Bah voyons. Ça en dit long quand même sur notre métier, sur notre capacité de recul ou pas. Et je rappelle que à l'époque, une télévision en France, la 5, un montage berlusconien, franco-berlusconien, était un peu l'ancêtre des télés tout info, parce qu'ils avaient décidé de faire de l'info tout le temps. Donc il fallait meubler. Et je me souviens de ces pauvres reporters à Daran en disant, ils auraient dû nous dire... Ça se faisait pas, mais je suis désolé, j'ai rien à vous dire. J'ai rien à ajouter. C'est là qu'est né CNN aussi, hein. Rappelez-vous, CNN est né à ce moment-là. C'est vrai, la matrice des télés tout info. Faut occuper le terrain, hein. Absolument. tout de même, Saddam Hussein, quand il lance la guerre contre l'Iran, qui est une horreur. Je disais, c'est une guerre qui ressemble à celle de 14-18. C'est des tranchées. C'est une horreur absolue. Ouais, elle était beaucoup comparée à 14-18. Il rend quand même un service énorme, aux Occidentaux. Ah mais Saddam Hussein. Et puis il est pas du tout. Enfin il est pas du tout. On n'a aucune gratitude par rapport à ça. Alors on l'a. C'est pousse au crime ça aussi. On non lui a vendu comme il était très riche de pétrole. On lui a vendu beaucoup d'armes. Ouais. La France, l'URSS, beaucoup de pays occidentaux. On lui a vendu énormément d'armes. La France en particulier. On a installé aussi beaucoup d'industries civiles. On a fait de lui le bouclier anti-chiite, anti. République islamique iranienne, ça a été le bouclier. Donc il s'est senti pousser des ailes. Dans la série, Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de la Défense au moment de la guerre du Golfe, dit que Saddam Hussein se croyait protégé par les Occidentaux, un peu comme un patron de Pigalle se croit protégé par la police. Oui. J'aime beaucoup cette formule, parce que ça résume exactement la situation. Le même Chevènement, qui avait dit non à la guerre, à la première guerre, parce qu'il disait que c'était très aventureux pour l'équilibre de la région et pour l'équilibre mondial, il avait bien vu, hein. Il avait bien vu, je pense que Chevènement et Chirac plus tard auront bien vu sur cette affaire. Ce qui était moins difficile, parce que ce qui est difficile, oui, c'est de bien voir au début. Oui, absolument. Chevènement avait vu la réaction de la rue arabe. Lui, il parle de la rue arabe, parce qu'elle existe, cette rue arabe. Il avait vu les conséquences à long terme, clairement, à cette époque-là. Chevènement n'était pas forcément pour ne pas intervenir un jour militairement. Il était pour que tout soit tenté diplomatiquement pour empêcher, pour dire à Saddam Hussein de sortir du Koweït. Et ça, c'est vrai que clairement, quand on regarde les faits, cet effort diplomatique n'a pas été fait. La décision d'une guerre du Golfe a été prise quelques heures, quelques jours maximum après l'invasion. Oui. Ou un dernier mot avant qu'on ne se quitte, un dernier mot sur Naïra. Oui. Donc c'est témoin, voilà, témoin, c'était un fils de la fille d'ambassadeur. Bon, vous avez retrouvé sa trace? Mais alors oui. Je ne vais pas tout raconter aux auditeurs, parce qu'il y a des choses qui doivent rester du domaine du secret professionnel. Teaser, ne pas spoiler. Mais on a passé beaucoup de semaines dans la banlieue de Washington, dans les riches banlieues de Washington. Je sais exactement où elle habite. Je lui ai même laissé un petit mot dans sa boîte aux lettres pour la convaincre de nous parler. On a tout fait, tout essayé. J'étais à un mètre d'elle derrière une porte, mais ça n'a pas été possible. Je crois qu'elle est... Elle ne veut plus revenir sur cette affaire. Je crois qu'elle a le sentiment aussi, à l'époque, qu'elle était un peu victime aussi d'une certaine manipulation. Elle n'avait que 15 ans, donc c'était quand même très jeune. Oui, ce qui lui évite d'avoir une mauvaise conscience, mais ça ne doit pas être facile à assumer non plus. Je pense. Je comprends. Bien, merci infiniment, Jean-Pierre Canet, dont j'invite tous les auditeurs à regarder Irak. Destruction d'une nation. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les couveuses du Koweït, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.